pour me faire un superflu. Et que penses-tu, ô esprit sans vertu? Mais chérie, tu ne sais qu'il y a d'autres femmes donc sans toi. Je ne perdrai pas mon âme. Tu m'as trompé et cela m'a frappé. Je t'ai lassé. C'est toi qui l'as cherché. Je pense à toi, de baiser d'autres fois, car nous avons juré de ne plus nous séparer. Quand nous avons juré de nous ne plus nous séparer. De ne plus nous séparer.